Chapitre 2e, le coup de l'escalier. Nouveau coup frappé à la porte. Gendarme conduit un homme d'un certain âge en par-dessus, que j'identifie immédiatement comme étant le proc et une jeune femme assez jolie en duffel coat qui doit être la juge. Chavannes va au-devant d'eux et les salue en expliquant brièvement la situation. J'emmène Fred et Louisa dans la cuisine pour leur éviter des moments pénibles et laisser travailler les professionnels. Le proc me glisse un regard de remerciement. « Vous n'êtes pas le commissaire Volpi, » fait-il en me dévisageant. « Exact, monsieur le procureur. Vous avez l'œil. Mais je suis actuellement en congé de maladie. Un homme comme vous n'est jamais complètement au repos. La preuve, » fait-il en montrant l'escalier d'un geste large de la main. « Le capitaine Chavannes me dit que c'est vous qui les avez alertés. « Toujours exact, monsieur le procureur. J'ai tout de suite suspecté quelque chose, bien malgré moi d'ailleurs, car il s'agit d'un voisin. Je vous présente mademoiselle Pribaud, juge d'instruction. Ce doit être un plaisir de travailler avec vous, madame la juge, » dis-je en m'inclinant légèrement. « Merci, c'est gentil, » dit-elle timidement. Sans qu'on ait entendu entrer, le docteur Charles, médecin légiste, convoqué par le parquet, se plante au milieu du salon et claironne. « Alors, où est mon cadavre ?»« Charles. » « Qu'est-ce que vous pouvez être lourd, des fois? Allez, arrêtez de faire le clown et mettez-vous au boulot !» fait le proc, agacé. « D'accord, d'accord. Tiens, salut Volpi. Alors, voyons ça. » Le docteur Charles investigue avec la sûreté de l'expérience. Il ne lui faut pas longtemps pour arriver aux conclusions que j'attendais. Il nous prend à l'écart pour nous les confier. La femme a buté dans un obstacle, c'est certain. C'est ce qui a causé cette blessure sur son pied droit. Quand elle est arrivée sur l'escalier, elle devait marcher d'un bon pas. Avec la synergie du déplacement, l'obstacle l'a projetée en l'air, puis elle a dû piquer du nez et tomber directement sur le sommet du crâne. J'ai trouvé un magnifique hématome. Le bois a un peu amorti le coup, mais les vertèbres n'ont pas résisté, car elles ont reçu tout le poids du corps. Rupture de la moelle épinière et craque, plus de madame. Charles, tu ne crois pas qu'elle ait pu faire un malaise cardiaque qui l'a fait tomber dans l'escalier ? J'insinue. Non, difficile à admettre, répond le toubib. Elle se serait effondrée sur les toutes premières marches. Je persiste, elle a buté sur un obstacle. Tu vois, Chavannes, c'est bien ce qui me semblait. Reste à savoir quel était l'obstacle et ce qu'il est devenu. Charles regarde autour de lui sur le palier. Non, cette bergère provençale est beaucoup trop haute. C'est quelque chose qui était au ras du sol. C'est bien mon avis, dis-je, mais pourquoi l'avoir enlevée? Si c'est Louisa qui oublie un objet, elle l'a peut-être fait disparaître, de peur des représailles. « C'est probable, » remarqua Chavannes, « mais pour qu'elle nous l'avoue, ce sera une autre paire de manches. »« Attendez, » dit le proc, « l'objet devait être drôlement lourd pour qu'il la stoppe aussi brutalement dans sa course. Elle n'a pas trébuché, elle s'est carrément envoyée en l'air. » « Et d'après ce que vous nous avez dit, capitaine, Barth, qui est arrivé pratiquement tout de suite, n'a pas buté dans cet obstacle. C'est louche, ça, non ?» s'interroge la juge. « Et si on l'avait poussée ?»« Non, » affirme Charles, « elle serait tombée à plat ventre, le nez dans les marches. »« Bien. Nous allons entendre les témoins, si toutefois on peut les appeler ainsi, puisqu'ils n'ont rien vu. Vous êtes d'accord, madame la juge ?»« Faites venir monsieur Barth, s'il vous plaît. » Fred, puis Louisa, répètent pratiquement mot à mot ce qu'ils ont dit à Chavannes. Une fois les témoins entendus, le proc fait le point. « Bon, Charles, qu'est-ce que vous en pensez ?» « Monsieur le procureur, si vous voulez mon avis, je crois que le corps a suffisamment parlé. La cause de la mort ne fait aucun doute. À l'autopsie, je verrai si elle a été droguée, si elle présente une lésion cardiaque ou s'il y a d'autres traces de coups, à part celle du pied. Je vous fais mon rapport, comme d'hab. » « Qu'en pensez-vous, madame la juge ?»« Si la mort était vraiment accidentelle, l'obstacle serait toujours présent. Sa disparition prouve qu'il y a eu préméditation, en tout cas malveillance, et donc... il faut réellement ouvrir une enquête. Parfait. Chavannes, je vous confie l'enquête. La juge Prévost explique à Barth le problème posé par les circonstances de la mort de Maïtena et la suite à donner à cette affaire. J'en profite pour aller vérifier dans le garage si Fred possède bien une tronçonneuse. Ce grand local pour deux voitures n'est occupé que par le 4x4 Mercedes qui luit faiblement sous la lumière des néons. Le reste est encombré d'un fatras d'instruments aratoires, d'outils de taille, de clés et tournevis accrochés n'importe comment à un panneau, de vieux chiffons, d'un tuyau mal enroulé, d'une corde en nylon jetée en vrac, de souliers d'hommes et de femmes, de vieux pneus. Bref, un ouaï, un désordre, pas possible. Fred et Maïtena n'ont jamais été des fans du rangement. Sous l'établi, je découvre enfin la masse rouge de la tronçonneuse. Demain, il faudra bien que je me débarrasse de cette branche encombrante. Et vu les circonstances, je devrais me débrouiller tout seul. Bart sera bien assez accaparé par la perte de son épouse. Il ne me reste plus qu'à trouver de l'essence. Je verrai plus tard. En attendant, quittons ce bordel. En passant, je constate que la porte basculante est légèrement ouverte. Quand je reviens dans le salon, Chavannes et ses hommes consignent par écrit les premières déclarations de Bart et de Louisa, en leur expliquant bien les soupçons qui pèsent sur chacun d'entre eux, puis ils se livrent à des relevés sur tout objet pouvant être l'obstacle du crime. Je tiens compagnie aux deux témoins, confinés dans la cuisine. Après une première fouille minutieuse, les gendarmes prennent congé de Bart, visiblement atterrés de ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, le corps de Maïtena est emporté, soigneusement empaqueté. En franchissant la porte, Chavannes me murmure à l'oreille. « Pas grand-chose pour l'instant. Fouine un peu, toi, sous prétexte de lui tenir compagnie. » Bart est toujours affalé sur la table de la cuisine, en face d'une Louisa muette. « Tu te rends compte ?» me fait-il en secouant sa tête. « C'est pas possible, ça. Ma femme vient de mourir, punaise, et tout ce bordel, déjà. C'est toi, fumier, qui a déclenché tout ça, hein ?»« Mais non !» dis-je l'air convaincu. « Si, c'est vous. Ça vous amuse, hein ?» me lance Louisa d'un ton hargneux. Sans répondre, je vais dans le salon, prendre le billet du médecin du SAMU. Sans le savoir, celui-ci me sauve la mise. Je pose le papier sur la table de la cuisine. « Voilà, regardez. Le voilà, le fautif. Alors maintenant, vous me lâchez avec ça, ok ?» Le médecin a écrit « Je ne peux délivrer le certificat de décès. La mort de Madame Bart me paraît suspecte. » « Je sais. » C'est difficile à avaler, mais pourtant, il y a un engambi dans la mort de ta femme. Je m'en suis tout de suite aperçu. Et tu me crois coupable, c'est ça? Mais non, Cuyosti, ne t'affole pas. De toute façon, ce qui compte, malheureusement, c'est qu'elle n'est plus là. Un discret coup de sonnette, Louise va ouvrir. Aussitôt, ses traits se détendent. C'est Mokhtar, entre. Il est arrivé un grand malheur. À voix basse, elle le met au courant de ce qui est arrivé. Mokhtar ressemble plus à un Espagnol qu'à un Arabe. Mais les uns et les autres n'ont-ils pas eu des ancêtres communs? Pendant ce temps, Fred marmonne à mon adresse. Il a fallu qu'elle se trouve en Arabe, celle-là. Je te demande un peu. Mokhtar se dirige immédiatement vers Fred, la main tendue, l'air grave. Monsieur Fred, ça me fait beaucoup de peine. Elle était si bonne avec moi, votre dame. Même si elle criait un peu, elle était généreuse et j'aimais bien travailler avec elle. Il faut vous dire, lecteur, que Mokhtar est, enfin était, le jardinier attitré de Madame Maïtena. Il déployait des trésors de patience alors qu'elle le houspillait sans arrêt. « Mokhtar, fais-moi ça, allez, grouille. Mokhtar, il faut me creuser un trou ici. »« Mokhtar, comment t'as taillé ça ?»« Mokhtar, bouleg, on va pas y passer la journée. » De fait, Mokhtar ne travaillait jamais seul, mais toujours sous l'œil vigilant et exigeant de Maïtena. Ce n'était pas par manque de confiance, non. Elle aimait bien participer par goût du jardinage et du coup, Mokhtar en prenait plein les esgourdes. Mais Maïtena l'aimait bien. Elle lui faisait des petits cadeaux perso, genre t-shirt, montre, casquette. Il le payait royalement. Mokhtar secoue la main de Fred qui continue à sangloter. Louisa prend également congé. « Bon, eh ben, je vais vous quitter, monsieur Fred. J'espère que vous pourrez dormir un peu. Je vous ai laissé une daube. Il n'y a plus qu'à la faire réchauffer, enfin, si vous avez faim. » Louisa va dans le garage d'où elle revient boutée, vêtue d'un grand manteau et portant un fourre-tout. « Allez, à demain » fait-elle en fermant la porte, après avoir laissé passer Mokhtar sans un regard pour moi, bien évidemment. Une fois Louisa partie, nous nous laissons tomber chacun dans un canapé, Fred et moi. « Je vais rester avec toi cette nuit, ça passera plus vite. À moins que tu préfères absolument être seul. » « Non, reste, c'est sympa. Enlève tes godasses et allonge-toi, tu seras mieux. Attends, je vais d'abord prévenir chez moi, et je reviens tout de suite. » Dans ma cuisine, je lâche une larme sur cette succulente dorade dont il ne reste pas grand-chose et sur laquelle je n'ai fait que saliver. « Tu veux que je vous prépare quelque chose à becter, Gino ?»« Non, c'est inutile. Louisa prépare une daube à réchauffer. »« Alors doucement, la daube, hein ? Parce que bonjour les kilos. »« Je viendrai tout à l'heure, embrasser Fred. » « T'inquiète, j'ai pas très faim. Tiens, Lisa, va me chercher mes pantoufles, s'il te plaît. » Et muni de mon livre et de mes charentaises, « Eh oui, c'est pas beau, mais c'est pratique. Je retourne chez Fred, que je retrouve dans la même position, allongé dans le canapé. « Tu veux manger un morceau ? Ou j'ai pas faim » sanglote-t-il. « Je ne sais pas. Fais-toi réchauffer la daube. » En général, Louisa l'a fait succulente. Doit-y avoir du pain dans le placard au-dessus du four. Commence à manger, te gêne pas. Je farfouille dans la cuisine et m'installe sur la table en chêne. C'est vrai que la daube possède un fumet délicieux et tout le monde sait que c'est meilleur réchauffé. Je picore 3 ou 4 petits morceaux de bœuf, accompagnés d'un petit bout de pain. Bientôt, Fred vient s'asseoir en face de moi. Il place devant moi un verre à pied et une bouteille entamée de gigondas. « Tiens, bois un coup, ça passera mieux. »« Ouh là ! Avec ce pinard, je ne risque pas de rester éveillé longtemps. » Dis-je en scrutant l'étiquette de la bouteille. Et négligemment, Bart pique un petit morceau de bœuf à même la casserole. « La vache, elle ne l'a pas loupé celle-là non plus. » Il se laisse tomber sur une chaise et finit par dire « C'est drôle la vie quand même. Je suis là, à bouffer un morceau de viande, alors que ma femme est morte et il l'a emmenée je sais pas où. » Finalement, on a beau dire, on n'est que des animaux, et rien de plus. Mais non, Fada, tu n'arrives pas à dissocier les besoins de ton corps de ceux de ton esprit. Ce n'est pas parce que tu as du chagrin que tu dois entamer une grève de la faim. Si t'as la dalle, mange. C'est ce que t'aurait conseillé Maïtena. Elle avait les pieds sur terre, elle. Tu sais, Fred, je sais ce que tu ressens. Moi aussi j'ai perdu ma première épouse, Chantal, et mon fils aussi. Ils ont été assassinés dans un faux accident de la route. C'est moi qui étais visé. Mais le malheur a voulu que ce soit eux qui meurent. J'ai mis plus d'un an avant de m'en remettre. Ah, excuse. Je ne savais pas que tu avais eu une autre épouse et un fils. Eh oui, j'ai cru devenir fou. Et j'ai débloqué pendant des mois. Après, j'ai digéré. Mais je n'ai jamais oublié la douleur. De quoi elle est morte, ta première femme ? Je te l'ai dit, elle a été assassinée avec notre fils. Et comme une andouille, je l'ai ajouté, comme ta femme, c'était -5. Punaise, perdre un gosse, ça doit être terrible, murmure Fred. Et vous, vous n'avez jamais eu d'enfant ? Eh non. Au début, on n'en voulait pas, parce qu'on bougeait tout le temps et après, ça n'a pas marché. Nous gardons le silence pendant une bonne minute, mais je ne peux m'empêcher de revenir aux circonstances de la mort de Maïtena. Tout de même, tu n'as rien vu quand tu t'es précipité dans l'escalier ? Mais non, j'ai rien vu. Et puis de toute façon, la lumière du palier ne fonctionnait pas. Il devait y avoir un faux contact, parce qu'elle est revenue juste quand j'étais en haut de l'escalier. Va comprendre quelque chose. Tu vois, s'il y avait eu un obstacle, je me serais embroché aussi. Tu dis qu'il n'y avait pas de lumière ? Donc Maïtena non plus n'a rien dû voir. Il y a des chances, ouais. Mais ce qui m'intrigue, c'est la rapidité avec laquelle l'obstacle a disparu. Je laisse encore passer 2 ou 3 minutes pendant lesquelles Fred et moi faisons des boulettes de pain. Je détaille Fred qui garde les yeux baissés, une tête toute ronde et chauve comme un ballon, des traits grossiers et empâtés, des sourcils broussailleux, une vraie tête de chéri Bibi. Il ne lui manque même pas la cicatrice à l'arcade sourcilière. Je me demande ce que lui trouvait Maïtena, qui, elle, avait un look de star hollywoodienne. Je décide de pousser le bouchon plus loin. Si pour l'instant je ne comprends rien du modus operandi, je pourrais au moins supputer des mobiles à cette mort suspecte. J'oriente la conversation sur l'intérêt financier. Elle est vraiment chouette, cette baraque. C'est un architecte d'ici qui l'a conçue. Architecte mon cul, oui. Aucun n'a compris ce que nous voulions. Et chacun dessinait en fait sa maison. Tu piges ? Alors un beau jour, on s'est mis à la table à dessin avec Maïtena. Et on a fait les plans complets de la maison, avec les points lumineux, les prises, les arrivées d'eau, les écoulements, les hauteurs sous plafond, la largeur des portes et patin-couffin, tu vois le truc. Ça nous a pris plus de 15 jours. On a même prévu l'implantation d'une cloison dans le salon, pour faire une chambre communiquant avec la salle de bain, le jour où on ne pourrait plus monter les escaliers. Après, on a été voir un maître d'œuvre avec nos plans. Il est resté sur le cul, le mec. Il était persuadé que nous étions du métier. En tout cas, il a suivi les plans au millimètre près. À qui appartient la maison ? À tous les deux, et on avait fait une donation au dernier vivant chez le notaire. encore un blanc avec en bruit de fond le hurlement du vent. « Bon Dieu !» fait tout à coup Bart. « Si je m'étais bougé pour aller ouvrir, Métainé serait encore en vie. »« Oui, et c'est toi qui serais tendu sur le zinc de la morgue ?»« Aïe, je me suis laissé aller à la déformation professionnelle. » Heureusement, cette image ne déclenche aucune réaction chez Fred. Aussi, c'est à cause de cette saleté d'ordinateur. Les copains m'avaient prévenu. « Tu vas devenir comme un zombie avec ce machin, et ta femme finira par se barrer. »« Mais tu sais, toute ma vie, j'ai envie de piloter. Avec ce jeu, c'est comme si tu y étais. Il y a tout, les compteurs, le bruit des moteurs, les paysages, c'est génial. Mais pendant que tu fais ça, tu fais rien d'autre. Quelle connerie !» Puis, quelques secondes plus tard, « Tu penses réellement que si j'étais descendu en premier, c'est moi qui me serais escagassé ? Ce serait logique, non ? À moins que ce soit toi qui aies placé l'obstacle. » Bart frappe la table du plat de ses deux mains. « Mais tu veux me dire en couillant pourquoi j'aurais voulu assassiner ma femme ?»« Je risque le tout pour le tout. Je sais pas moi, tu as peut-être une maîtresse. »« Une maîtresse ? Mais tu déconnes complètement, Volpi. T'as vu la gueule que j'ai ? Et tu crois qu'avec ça, j'arriverai à lever une femme plus chouette que la mienne ? Maïtena, elle était du tonnerre, toujours prête à faire la fête, intelligente, belle. Tu sais, si je l'avais pas eue, je n'en serais jamais arrivé où je suis. Elle avait une intuition formidable pour les affaires. Elle ne nous en a fait foirer aucune. D'ailleurs, c'est elle qui veillait au grain, et maintenant qu'elle n'est plus là, je ne sais pas si je vais arriver à me dépatouiller tout seul. Je vais peut-être tout vendre. Tu ne m'as jamais vraiment dit ce que vous faisiez, ni comment vous avez gagné votre vie. Oh, tu sais, on a travaillé dans toutes les régions de France. Au tout début, on faisait les marchés. Après, on a acheté un magasin de fringues qui a bien marché, puis deux, puis trois. Finalement, nous avons créé une enseigne avec des magasins franchisés. Comme on avait une bonne gestion et qu'on ne laissait rien passer, ça marchait d'enfer. Et on n'a eu qu'à se laisser vivre. Voilà. On s'est levé là, mais ça a payé. Et l'affaire est à quel nom ? Au mien. Mais comme on était mariés sous le régime de la communauté, ça ne change rien. Je ne suis pas plus avancé pour mes mobiles. Nib. Duvent. Ce qui me turlupine, c'est que si ce n'est pas Fred qui a mis l'obstacle, comment l'assassin était-il sûr que ce serait Maïtena qui descendrait ? Un habitué de la maison. À moins qu'indifféremment, un des deux ait dû y passer, au hasard. À tous les coups, on gagne. Tu es sûr qu'il n'y a personne qui ait pu vous en vouloir ? Pour une affaire quelconque, une rancune, des dettes, enfin, une engasse quelconque. Mais non, on a toujours été réglé en affaires, et on ne devait de pognon à personne. Pas d'entourloupe, de carambouille, de viette ou de chinois avec qui vous auriez fait des affaires, pas très claires. Conneries, tout ça! On faisait nos achats à Paris auprès des grossistes. S'il y avait des problèmes, c'est eux qui les avaient, pas nous. Tu ne t'étais pas présenté sur une liste Front National une année? « Ouais, et c'est pour ça qu'on assassine les gens, maintenant. »« Alors, je vois pas. »« Eh non, couillon, tu ne vois pas, parce qu'il n'y a rien à voir. »« Tout de même. »« Bon, écoute, je monte, ça va me calmer. » Fred se traîne au premier pendant que je range la vaisselle. Petit grattement à la porte. C'est Gilda qui vient comme elle l'a promis. « Fred est dans sa chambre, vas-y. » Resté seul, j'essaye de faire le vide dans ma tête. Le fait de reparler de Chantal et de mon fils, mine de rien, m'a remué les tripes, et un vague sanglot monte à ma gorge. Je vais m'allonger dans un des deux canapés du salon, après m'être servi une lampée de J&B, pour faire descendre la daube et la douleur du souvenir. Je feuillette mon livre pour reprendre là où j'en étais. Gilda et Fred redescendent du premier. Gilda lui tient la main et lui murmure « Allez Fred, reprends-toi, ne te laisse pas aller. » Il s'allonge dans le canapé, le visage tout chiffonné, comme un gamin malheureux. « Tu sais, lui dis-je, en toute chose, il faut considérer tous les aspects. Bien sûr, ta femme t'a enlevé brutalement, mais à mieux y regarder les parties dignement, dans toute l'intégrité de sa personne. Tu aurais préféré la voir se fondre au fond d'un grabat d'hôpital, après des mois de douleur et de dégradation. Nous emporterons tous l'image d'une belle femme, agréable et aimant la vie. Je sais, ça ne console pas. Mais ça fait tout de même réfléchir. « Ouais, » répond Fred en hochant la tête, puis après un long soupir. « C'est sympa de rester avec moi, mais fais ta vie si tu veux lire. Vas-y, c'est pas nécessaire de me faire la conversation. » Gilda partie, je reprends donc mon bouquin à la page où je m'étais arrêté. Cette nouvelle affaire ne me dit absolument rien. d'autant plus que dès les premières lignes, je comprends qu'elle ne s'est pas déroulée dans la région. Le récit qui va suivre a été imaginé grâce aux témoignages de la famille des victimes, de leurs employeurs et des conclusions de l'enquête. Les choses ne se sont peut-être pas passées exactement telles que nous les écrivons, mais ne s'éloignent certainement pas trop de la réalité. Ce matin de 19 novembre 1900 et quelques, Philippe et Antoine roulent dans un fourgon de la Brinks sur une départementale du côté de Sally du Sala, dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur cette route, durant chaque trajet, c'est bien rare s'ils croisent plus de 2 ou 3 voitures. C'est Philippe qui conduit, 22 ans, marié, un enfant. Le regard fixé loin devant, avec toutes les 30 secondes, un clin d'œil au rétroviseur pour scruter l'arrière de la route. Le regard d'Antoine, 30 ans, 2 enfants, voit la même gymnastique. Il a même fait placer un deuxième rétroviseur sur la portière droite pour que le passager puisse scruter lui aussi les arrières. Depuis 10 mois qu'ils font le trajet ensemble, jamais le moindre problème. Ce sont 2 employés consciencieux, ponctuels et efficaces. Durant tout le parcours, ils n'échangent certainement qu'une 10aine de mots, appliquant cela la maxime « on ne peut pas faire 2 choses en même temps ». À la sortie d'une grande courbe, près d'un bois, ils aperçoivent une voiture, l'avant enfoncé dans les fourrés. Les portières sont ouvertes et un corps gît contre la voiture dans une mare de sang. Près de la porte arrière, ils remarquent une poupée qui pourrait dénoter la présence d'un enfant quelque part. Philippe estoppe le véhicule et les 2 hommes observent attentivement la scène et les alentours depuis leur cabine. Personne en vue. Finalement, Antoine, peut-être, sort du camion, l'arme au poing, au cas où. Il avance en tournant sur lui-même pour avoir une vision de 360 degrés. Sans toucher à rien, il se dirige vers le corps. Le calme continue à régner, il fait signe à Felipe de venir. Ce dernier descend, muni également de son revolver. On a retrouvé les 2 armes sur les lieux. Antoine s'agenouille mais sans cause apparente, plonge le nez en avant, une flaque de sang se forme aussitôt sous son corps. Felipe relève la tête affolée, et s'effondre lui aussi une balle en plein front. On suppose que le tueur était embusqué sous le couvert et possédait une carabine puissante, munie peut-être d'un silencieux. Les 2 hommes ont été tués par la même arme. Les enquêteurs découvriront les 2 cadavres poussés dans le fossé, le fourgon engagé dans un départ de sentier forestier, la porte latérale ouverte. La Brinks venait de perdre 2 éléments de valeur et 200 000 francs en billets. Maigre butin ne justifiant pas le meurtre de 2 hommes. L'enquête montra que le sang retrouvé à l'endroit d'un cadavre supposé était du sang de bœuf, et des traces de roues indiquaient qu'un véhicule avait stationné juste à côté. Personne ne saura qui des 2 hommes est descendu le premier du fourgon, ni pourquoi ils ont pris ce risque. Il est certain que la poupée retrouvée sur les lieux a dû fortement inspirer leur choix. C'étaient 2 pères attentionnés pour lesquels la vie d'un enfant prime surtout. On retrouva où la poupée avait été achetée et un portrait robot de la femme qui avait fait l'achat fut diffusé. Grande, bedonnante, de grosses lunettes de myope, boudinée dans un imper et coiffée d'un foulard. Ceci n'eut pour effet que de faire défiler dans les locaux de la police toutes les mémères de la contrée. De toute évidence, il s'agissait d'un déguisement. Malgré des mois d'investigation, le cas de Sally du Sala ne fut jamais élucidé. Il est vrai que les prélèvements d'ADN ne se pratiquaient pas encore. Si ça se trouve, il n'y avait peut-être qu'un seul agresseur. Il est si facile de faire passer un tas de chiffons sanglants pour un macabée. En tout cas, le stratagème dénotait une bonne connaissance de la psychologie des victimes. Je n'avais jamais entendu parler de cette affaire, ni par les radios, ni par les journaux. « Qu'est-ce que tu lis ?» demande Fred. « Ça a l'air de t'intéresser. » « C'est un recueil des affaires non élucidées des 30 dernières années. » « Ah, ouais. » Je viens de lire un casse de banque à côté de Pau, avec l'assassinat d'un des braqueurs. Ah, c'est dans ton bouquin. Et là, il s'agissait du casse d'un fourgon de la Brinks, du côté de Sally du Sala. Les 2 convoyeurs ont été assassinés. Ah ouais, ça je m'en souviens. On était dans la région à cette époque. On faisait les marchés. Ça avait fait un grand bruit, tu parles. Il ne se passe jamais rien dans ces bleds. Du coup, avec Maïtena, on faisait gaffe dans nos déplacements, parce que des fois, on en avait pour du pognon dans le camion. Tout à coup, je reviens au moment présent et à la réalité. Fred, il faut que je t'emprunte ta tronçonneuse. Je vais la mettre près de la porte parce que demain je risque de l'oublier. Vas-y, vas-y. J'éclaire les néons du garage. D'emblée, j'ai une espèce de flash. Quelque chose a changé dans ce garage. Mais j'ai beau essayer de me remémorer ce que j'y ai vu tout à l'heure, je ne trouve pas la différence comme dans le jeu des 7 erreurs. Heureusement que je ne passe pas des tests chez un psy parce que là, le score serait nul. Ça me reviendra. Et si ça ne me revient pas, ben tant pis. J'attrape la tronceau et vais la placer près de la porte d'entrée. Fred me regarde aller venir comme un zombie, puis je reviens vers le canapé. Je crois que je vais pioncer un brin, lui dis-je. Je m'installe donc le plus confortablement possible et place mon livre ouvert sur ma figure. Fred, plein de prévenance, se lève doucement, allume une toute petite loupiote sur la cheminée, dépose une bûche dans le foyer et retourne s'étendre après avoir éteint toutes les autres lumières. Je commence bientôt à plonger dans le sommeil en percevant ses ronflements.